Chapitre 4. Le retour des victoires. Reviendrez-vous un jour, ô fiers exilés ? Le comte, le masque de fer. Ce soir-là, une fougue indescriptible animait les Longevernes. Rien, nul souci, nulle perspective fâcheuse n'entravait leur enthousiasme. Les coups de trique, ça passe, et ils s'en fichaient. Et quant aux cailloux, on avait le temps, presque toujours, quand ils ne venaient pas de la fronde de Tougueul, d'éviter leur trajectoire. Les yeux riaient, pétillants, vifs dans les faces épanouies par le rire, les grosses joues rouges, rebondies comme de belles pommes, hurlaient la santé et la joie. Les bras, les jambes, les pieds, les épaules, les mains, le cou, la tête, tout remuait, tout vibrait, tout sautait en eux. Ah, ils ne pesaient pas lourd aux pieds, les sabots de peuplier, de tremble ou de noyer, et leur claquement sec sur le chemin durci était déjà une fière menace pour les Vellerans. Ils se récriaient, s'attendaient, se rappelaient, se bousculaient, se chipotaient, s'excitaient, tels des chiens de chasse, longtemps tenus à la tâche, qu'on mène enfin courir le lièvre ou le goupil, se mordillent les oreilles et les jambes pour se féliciter réciproquement et se témoigner leur joie. C'était vraiment un enthousiasme entraînant que le leur. Derrière leur élan vers la saute, derrière leur joie en marche, comme à la suite d'une musique guerrière, toute la vie jeune et saine du village semblait happée et emportée. Les petites filles timides et rougissantes les suivirent jusqu'au gros tilleul, n'osant aller plus loin. Les chiens couraient sur leurs flancs en gambadant et en jappant. Les chats eux-mêmes, les prudents matous, s'avançaient sur les murs d'enclos avec une vague idée de les suivre. Les gens sur le seuil des portes les interrogeaient du regard. Ils répondaient en riant qu'ils allaient s'amuser. Mais à quel jeu ! Le braque, dès la carrière à Peupio, canalisa l'enthousiasme en invitant ses guerriers à bourrer leurs poches de cailloux. « Faudra n'en garder sur soi qu'une demi-douzaine, » dit-il, « et poser le reste à terre sitôt qu'on sera arrivé, car pour pousser la charge, il s'agit pas de peser comme des sacs de farine. Si on manque de munitions, 6 des petits prendront chacun 2 bérets et partiront les remplir à la carrière du rat. C'est la plus près du camp. » Il désigna ceux qui, le cas échéant, seraient chargés du ravitaillement, ou plutôt du réapprovisionnement des munitions. Puis il fit exhiber à Tintin les diverses pièces du trésor de guerre, afin que les camarades fussent tous tranquilles et bien affermis, et il donna le signal de la marche en avant, lui prenant la tête et comme toujours servant d'éclaireur à sa troupe. Son arrivée fut saluée par le passage d'un caillou qui lui frisa le front et lui fit baisser le crâne. Il se retourna simplement pour indiquer aux autres, par un petit hochement de tête, que l'action était commencée. Aussitôt ses soldats s'écampillèrent et il les laissa se placer à leur convenance, chacun à son poste habituel, assuré qu'il était que leur flair guerroyeur ne serait pas ce soir-là mis en défaut. Quand Camus fut juché sur son arbre, il exposa la situation. Ils y étaient tous à leur lisière, les Vellerans, du plus grand au plus petit, de Tougueul le grimpeur à Mig la Lune l'exécuté. « Tant mieux !» conclut le braque, « ce sera au moins une belle bataille !» Pendant un quart d'heure, le flot coutumier d'injures flua et reflua entre les deux camps. Mais les Vellerans ne bougeaient pas, croyant peut-être que leurs ennemis nus pousseraient encore, comme l'avant-veille, une charge ce soir-là. Aussi les attendaient-ils de pied ferme, bien ammunitionnés qu'ils étaient par un service récemment organisé de galopins, charriant continuellement, et à plein mouchoir, des picotins de cailloux qu'ils allaient quérir aux roches du milieu du bois et venaient verser à la lisière. Les Longevernes ne les voyaient que par intermittence derrière leurs murs et derrière leurs arbres. Cela ne faisait guère l'affaire de Lebrac, qui eût voulu les attirer tous un peu en pleine, afin de diminuer la distance à parcourir pour les atteindre. Voyant qu'il ne se décidait pas vite, il résolut de prendre l'offensive avec la moitié de sa troupe. Camus, consulté, descendit et déclara que pour cette affaire-là, c'était lui que ça regardait. Tintin, par derrière, se mangeait les sangs à les voir ainsi se trémousser et s'agiter. Camus ne perdit point de temps. La fronde à la main, il fit prendre 4 cailloux, pas plus, à chacun de ses 20 soldats, et commanda la charge. C'était entendu. Il ne devait pas y avoir de corps à corps. On devait seulement approcher à bonne portée de l'ennemi, qui serait sans doute ébahi de cette attaque, lancer dans ses rangs une grêle de moellons et battre en retraite immédiatement pour éviter la riposte qui serait sûrement dangereuse. Espacés de 4 ou 5 pas en tirailleurs, Camus en avant, tous se précipitèrent et en effet, le feu de l'ennemi cessa un instant devant ce coup d'audace. Il fallait en profiter. Camus, saisissant son cuir de fronde, prit la ligne de mire et visa la stèque des guets, tandis que ses hommes, faisant tournoyer leurs bras, criblaient de cailloux la section ennemie. « Filons maintenant !» cria Camus, en voyant la bande de l'Aztèque se ramasser pour l'élan. Une volée de pierres leur arriva sur les talons pendant que d'effroyables cris, poussés par les Vellerans, leur apprenaient qu'ils étaient poursuivis à leur tour. L'Aztèque, ayant vu qu'ils n'étaient plus dévêtus, avait jugé inutile et stérile une plus longue défensive. Camus, entendant ce vacarme et se fiant à ses jambes agiles, se retourna pour voir comme ça en allait. Mais le général ennemi avait avec lui ses meilleurs coureurs. Camus était déjà un peu en retard sur les autres. Il fallait filer et sec s'il ne voulait pas être pincé. Ses boutons, il le savait, non moins que sa fronde, étaient rudement convoités par la bande de l'Aztèque, qu'il avait ratée le soir de Lebrac. Aussi voulut-il jouer des jambes. Malheur! Un caillou lancé terriblement, un caillou de tout gueule, bien sûr, à le salaud, vint lui choquer violemment la poitrine, l'ébranla et l'arrêta un instant. Les autres allaient lui tomber dessus. « Ah, nom de Dieu, foutu !» Et Camus, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire et pour l'écrire, porta d'un geste désespéré sa main à sa poitrine et tomba en arrière, sans souffle et la tête inerte. Les Vellerans étaient sur lui. Ils avaient suivi la trajectoire du projectile de tout gueule et remarqué le geste de Camus. Ils le virent, pâle, s'affalé de tout son long sans maudire. Ils s'arrêtèrent net. S'il était tué ! Un rugissement terrible, le cri de rage et de vengeance de Longeverne, se fit entendre aussitôt, monta, grandit, emplit la combe, et un brandissement fantastique d'épieux et de sabres pointa désespérément sur leur groupe. En une seconde, ils eurent tourné bride et regagné leur abri où ils se tinrent de nouveau sur la défensive, le caillou à la main, tandis que toute l'armée de Longeverne arrivait près de Camus. À travers ses paupières demi-closes et ses cils papillotants, le guerrier tombé avait vu les Vellerans s'arrêter court devant lui, puis faire demi-tour et finalement s'enfuir. Alors, comprenant au grondement furieux accourant à lui que les siens venaient à la rescousse et les mettaient en fuite, il rouvrit les yeux, s'assit sur son derrière, puis se releva paisiblement, campa ses poings sur ses hanches et fit aux Vellerans, dont les têtes inquiètes apparaissaient à niveau du mur d'enceinte, sa plus élégante révérence. « Cochon, salaud, à traître, lâche !» beuglait l'Aztèque dégué, voyant que son prisonnier, car il l'était, lui échappait encore par ruse. « Ah, je t'y rechopperai, ou t'y couperas pas, fainéant !» Lors Camus, très calme et toujours souriant, l'armée de Longeverne étonnée étant derrière lui, porta son index à sa gorge et le passa quatre fois d'arrière en avant, du cou au menton, puis pour compléter ce que ce geste avait déjà d'expressif, se souvenant opportunément que son grand frère était artilleur, il se frappa vivement de la dextre sur la cuisse droite, retourna la main, la paume en dehors, le pousse à l'ouverture de la braguette. « Et celui-là » reprit-il, « quand c'est-il que tu le chopperas, hein ? Trop bête !»« Bravo, bravo Camus ! Ouais, ouais, ouais ! Wouh, wouh, wouh !» C'était l'armée de Longeverne qui, par des cris divers, témoignait ainsi son mépris pour la sotte crédulité des Vellerans et ses félicitations au brave Camus qui venait de l'échapper belle et de leur jouer un si bon tour. « T'as tout de même reçu le nion !» rugissait tout gueule ballotté de sentiments divers, content au fond de la tournure qu'avaient prise les choses et furieux cependant de ce que ce salaud de Camus, qui lui avait pour rien fichu la frousse, eût échappé au châtiment qu'il méritait si bien. « Toi, mon petit !» répliqua Camus, qui avait son idée. « Sois tranquille, je te retrouverai !» Et les cailloux commençant à tomber parmi les rangs découverts des Longevernes armés seulement de leurs triques, ils firent prestement demi-tour et regagnèrent leur camp. Mais l'élan était donné, la bataille reprit de plus belle, car les Vellerans, bernés, furieux de leur déconvenue, avoir été joués, raillés, insultés, s'aspérés et tout de suite, voulurent reprendre l'offensive. On avait déjà chipé le général, ce serait bien le tonnerre de diable si on n'arrivait pas encore à pincer quelques soldats. « Ils vont revenir !» pensait Lebrac. Et Tintin, en arrière, ne tenait pas en place. Quel sale métier que d'être trésorier! Cependant, l'Aztèque dégué, ayant de nouveau rassemblé ses hommes surexcités et furieux et pris conseil, décida d'un assaut général. Il poussa un sonore et rugissant « La mûrie vous crève !» Et trique brandi, bâton serré, s'élança dans la carrière, toute son armée avec lui. Lebrac n'hésita pas davantage. Il répliqua par « À cul les Vellerans !» aussi sonore que le cri de guerre de son rival, et les épieux et les sabres de Longeverne pointèrent encore une fois en avant leurs estoques durcis. « Ah, Prussien, salaud, triple cochon, andouille de merde, bâtard de curé, enfant de putain, charognard, pourriture, civilité, crevure, calotin, sectaire, chat crevé, galeux, mélinard, combis, pouilleux !» Telles furent quelques-unes des expressions qui s'entrecroisèrent avant l'abordage. Non, on peut le dire, les langues ne chômaient pas. Quelques cailloux passèrent encore en rafale, frondonnant au-dessus des têtes, et une effroyable mêlée s'ensuivit. On entendit des triques tomber sur des caboches, des lances et des sabres craquer, des coups de poing sonner sur les poitrines, et des gifles qui claquaient, et des sabots qui cassaient, et des gorges qui hurlaient. Pif, paf, pan, zoom, crac, zop. Ah, traître, ah, lâche! Et l'on vit des hérissements de chevelure, des armes cassées, des corps se nouer, des bras décrire de grands cercles pour retomber de tout leur élan, et des poings projetés en avant comme des bielles et des gigataires, se démenant, s'agitant, se trémoussant pour lancer des coups de tous côtés. Ainsi la crique, jetée bas, dès le début de l'action, par une bourrade anonyme, tournant sur une fesse, faisait non pas tête mais pied à tous les assaillants, froissant des tibias, broyant des rotules, tordant des chevilles, écrasant des orteils, martelant des mollets. Le braque, hérissé comme un marcassin, col déboutonné, nu-tête, la trique cassée, entrait comme un coin d'acier dans le groupe de l'Aztèque des guets, saisissait à la gorge son ennemi, le secouait comme un prunier malgré une nichée de Velleran suspendue à ses grègues, et lui tirait les poils, le giflait, le calottait, le bosselait, puis ruait comme un étalon fou au centre de la bande et écartait violemment ce cercle d'ennemis. « Ah, je te tiens, nom de Dieu !» rugissait-il. « Salaud ! Tu n'y coupes pas, je te le jure, t'y passeras ! Quand je devrais te saigner, je t'emmènerai au gros buisson et t'y passeras, que je te dis, t'y passeras !» Et ce disant, le bourrant de coups de pied et de coups de poing, aidé par Camus et par Grangibus qui l'avaient suivi, ils emportèrent littéralement le chef ennemi qui se débattait de toutes ses forces. Mais Camus et Grangibus tenaient chacun un pied et Lebrac, le soulevant sous les bras, lui jurait avec force nom de Dieu qu'il lui serrerait la vis s'il faisait trop le malin. Pendant ce temps, les gros des deux troupes luttaient avec un acharnement terrible, mais la victoire décidément souriait aux Langevernes. Dans les corps à corps, ils étaient bons, étant bien râblés et robustes. Quelques Velleran, qui avaient été culbutés trop violemment, reculaient, d'autres lâchaient pied, tant et si bien que lorsqu'on vit le général lui-même emporté, ce fut la débandade et la déroute et la fuite en désordre. « Chopez-en donc ! Chopez-en donc, nom de Dieu ! Mais chopez-en donc !» rugissait Lebrac, de loin. Et les guerriers de Longeverne s'élancèrent sur les pas des vaincus, mais comme bien on pense, les fuyards ne les attendirent point, et les vainqueurs ne poussèrent pas trop loin leur poursuite, trop curieux de voir comment on allait traiter le chef ennemi.